Hey, pst, toi aussi tu veux écouter Galaxy sur le net. Tape live.galaxyfm.com. Galaxy sur le net, aïe aïe aïe, c'est chaud comme la braise. Depuis 20h maintenant. Apparemment ça se bouscule bien hein. Ça se bouscule beaucoup d'ailleurs. Il y a eu quelques petits bugs. Il va y en avoir d'ailleurs cette semaine je crois. Mais on va tout faire pour mettre tous nos techniciens qui travaillent d'arrache-pied bien sûr dessus. Alors on rappelle donc, l'adresse est la suivante. Si vous voulez écouter Galaxy à partir de votre computer, vous tapez live.galaxyfm.com. À partir de là vous aurez différents choix. On peut peut-être apporter d'autres précisions, Jérémy, n'est-ce pas, sur le site, voilà en fait. Ouais, beaucoup de connectés ce soir, donc excusez-nous par avance si vous n'arrivez pas à vous connecter sur toute la soirée. Il y a une grosse surcharge puisqu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent cliquer sur le site live.galaxyfm.com. De toute façon, on aura une montée en charge progressive tout au long de la semaine et normalement pour samedi, j'espère, Cédric. Tu es où, Cédric? Viens dire un micro. Allez. Il fait son timide. Ils sont jaloux. Bah, il faut lui donner MSN comme ça, il sera plus à l'aise. Et voilà, on espère que de toute façon, tout au long de la semaine, les petits bugs techniques que certains peuvent rencontrer se solutionneront assez facilement. Ouais. De toute façon, l'important, en fait, c'est ce qu'il faut rappeler vraiment, ouais, c'est de partager la connexion. C'est-à-dire, quand on est dessus, comme c'est partager le micro, voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle du peer-to-peer. Voilà. Pour une fois, j'ai compris. Hey, t'as vu, t'as compris. Hey, Hubert, question, tu peux me donner le numéro du répondeur Galaxy? Bien sûr, où est la carte? Vas-y. Allez, je te la mets là, si t'as des bonnes lunettes. 0870 245 603. Voilà, exactement. Ça, c'est le numéro du répondeur de Galaxy. Si vous voulez plus d'informations sur la radio, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet de Galaxy, www.galaxyfm.com. Un nouveau site est mis en ligne depuis 20h maintenant par notre ami Buck qui fait un boulot exemplaire. On peut les applaudir. Capzi et Buck, ovation, moi je dis. Voilà. Bravo. Parce que le nombre d'heures qu'ils ont passé, c'est du bénévolat. Hein. On va calculer tout ça après. Hein. On va donner la facture à notre... Jean-Pierre. Ah, tu vois, on rajoute quelques heures alors. On va rajouter quelques heures. Bon. Allez, un petit répondeur pour bien commencer la soirée. Et juste après, ce sera de la libre antenne. Qu'est-ce que vous en dites? 03 20 83 57 57. Vous pouvez commencer à appeler maintenant. Maintenant, et c'est tout de suite 03 20 83 57 57. Radio, longue vie à toi, Galaxy. Moi j'ai de la biloute. Dans mon petit trou. Y'a rien. Mais putain, c'est normal, tu dois parler. Si jamais j'étais HS, je montrerai mes fesses. Si jamais j'étais Georges, je prendrais pour un rouge-gorge. Si jamais j'étais Squeezie, j'aurais un tout petit zizi. Thank you. quand t'arrives le soir, on va bien être tranquille, tu vois. Voilà, voilà. Et arrêtez que les gosses, ils écoutent toujours cette radio. Maman ! Oui, une amère, tiens. Galaxy ? Oui. Tu ne pourrais pas faire une radio, comment dire, numérique. Parce que, bon, je vous explique. J'ai ma télé qui est numérique. Mon appareil photo, bah, il est numérique maintenant, hein, avec le temps avançant, on en est à la pointe de l'actualité. Mais la radio en elle-même n'est pas numérique. Alors, merci d'être numérique. Hein. Pour un grand confort d'écoute, Galaxy en numérique. Bonjour, attendez, je vous le refais. Pour un meilleur confort d'écoute, Galaxy en numérique. Galaxy, la meilleure radio du monde. Ah, c'est du direct, hein. On fait avec la technique qui marche, hein. Bah, c'est comme d'habitude, après tout. Hubert est venu me rejoindre, d'ailleurs, dans les dans la cabine micro numéro 45. Mais j'en ai marre de me taper les restes, hein. Donc, j'ai préféré changer, laisser un peu plus de place de l'autre côté. Ouais. Ouais, bah, allez-y. Bon, et ce qu'on voulait dire, c'est appelez-nous 03 20 60. C'est quoi le numéro encore? 03 20 83 57 57. On attend vos appels. Voilà. Ça va arriver, ça va. Ça y est, donc Guillaume est parti, donc bah, ça y est, c'est la panique totale. Faut pas paniquer comme ça, attendez, il arrive. J'arrive. Il a dit, si ça marche, on va nous balancer un générique. On attend encore. Voilà, le générique qui va arriver dans une seconde. Voilà. Ça fait plaisir à réentendre. Ouais, tais-toi. Ça fait un peu ringard, ça, hein. Ça avait été réalisé par Thomas, je crois, à l'époque. Ça a pris un sac. Ah, ça a pris un coup de vieux, quand même. Un petit bonsoir à Laurent qui nous écoute dans sa voiture ce soir. Voilà, ça c'est une aluminium. Bah alors, quelle est l'histoire d'aluminium, un petit peu, pour rappeler, l'histoire d'aluminium, c'était une libre antenne. Vous pouvez appeler, comme ce soir par exemple, 03 20 83 57 57. On attend vos appels et vous pouvez discuter de n'importe quoi, de tout et de rien. Et ça marche vraiment bien, Olivier, parce qu'on a apparemment quelqu'un de Marseille en ce moment. Et on nous entend très très loin. Et très loin. Ça c'est le coup de la fourchette aussi. Alors on va le découvrir en même temps que moi, parce que moi je ne le connais pas. Alors attention, nous avons un Marseillais apparemment au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marseille. C'est Jean-Jacques, voilà, bière. Salut. Moi, je vous appelle. Allez-y. Oui, non, mais vas-y, tu nous appelles, profites-en, on t'écoute. Voilà, ouais, c'est tellement rare et en fait c'est la première fois. Oui. Moi je vous appelle pour vous remercier de votre musique sur le net, déjà d'une. Oui. Bon, ça bug un peu, mais bon. Non, mais c'est le début et apparemment il y a eu pas mal de monde sur le site aussi. Il faut se relayer, paraît-il. Voilà, c'est du peer-to-peer, donc il faut se relayer. Les gens ne le font pas et c'est à cause de ça qu'on a eu quelques bugs ce soir. Voilà. Donc en fait, moi, c'était pour vous remercier, quoi. Mm-hmm. Déjà d'une. Eh ben moi, je te remercie de nous remercier. Voilà. Et surtout, bon, je suis expatrié, en fait, du Nord. Et et voilà, quoi. En fait, c'était pour vous faire un petit coucou et vous remercier de la jeunesse que j'ai pu passer à côté de votre station, en fait. Parce qu'avant, voilà. Avant, tu étais dans le Nord, peut-être. Voilà, tout à fait, oui. Dans quelle ville, exactement? J'étais de Douai, en fait. On connaît bien Douai. Voilà, donc... On nous écoute là-bas sur quelle fréquence, déjà? Sur www.livegalaxyfm.com, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ça n'a rien à voir avec la fréquence. Et sinon, bah, raconte-nous un petit peu ce que tu fais de beau dans la vie. Je sais pas, tu as quel âge? Ah, moi, j'ai 33, donc... 33 ans, donc tu connais vraiment l'histoire de Galaxy, alors? Tout à fait, moi, tout à fait. Enfin, moi, j'ai connu le début de l'électro en Belgique. Ouais. Donc, je vous ai écouté dès la première fois, donc les samedis, surtout les samedis soirs. Mm-hmm. Et ça a marqué ma jeunesse. En fait, et comme je suis, la musique électro était, ma passion, quoi, pendant un certain temps. Et je vous ai jamais oublié, quoi. Donc, voilà. Et, c'est super, à mon avis, ça doit te faire plaisir de nous retrouver sur le net, hein. Tout à fait. Et là, j'en parle depuis 15 jours, 3 semaines à des amis, quoi. Fais-nous de la pub là-bas, à Marseille et dans les alentours. Comment? Fais-nous de la pub. C'est fait. J'ai fait de la pub. Là, j'ai des amis de. Bon, on est tous un peu âgés, hein. On a plus 18 ans, quoi. En fait. Mais il n'y a pas d'âge pour écouter Galaxy. Si je te dis mon âge, tu vas rester à terre. Tout à fait. Et là, j'avais un ami de Nice qui a réussi à vous avoir pendant une heure et demie à peu près. Ouais. Donc c'était super sympa puisque moi j'arrivais plus à l'avoir, donc il m'a laissé pas mal de messages sur mon portable. Donc on va parler au boulot, j'aurais des petits morceaux à écouter. Et j'ai plein d'autres aussi d'amis sur Salon de Provence, etc., quoi, qui ont connu une certaine musique dans le sud. Ouais. Et moi je leur ai raconté un peu mon histoire et votre radio aussi. Et ils se languissaient de pouvoir un jour écouter. Voilà, donc il y a des sites pas mal aussi sur le net, sous le système, Sharkan. Sound System. Eh bien, voilà, le monsieur de Sound System est en face de moi. D'ailleurs, si tu veux lui parler, Je sais pas si les micros sont ouverts là-bas, voilà. Donc, le Jérémy qui gère un petit peu tout ça est devant moi, il est au micro, tu peux lui passer un bonsoir, il n'y a pas de souci, il t'écoute. Voilà, bonsoir Jérémy. Ouais, on s'est mis au téléphone tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est okay. C'est toi qui avais des problèmes pour te connecter sur le site. Ouais, tout à fait. Bon, ça va mieux maintenant? Ça va un peu mieux, mais là j'ai arrêté en fait. Bon. Je continuerai demain, quoi. Bon, et que je rassure, de toute façon, je rassure tous les auditeurs de Galaxy. Normalement, tout au long de la semaine, les petits bugs techniques qu'on rencontre ce soir se solutionneront. Et on va peaufiner tout ça, Cédric. Des petits réglages, des petits coups de boulot. Travail jour et nuit. Ouais, exact, voilà. Bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie? Parce que ça, on lui a pas demandé tout à l'heure. Ah, moi, je travaille dans le froid, en fait, froid industriel. D'accord. Ah, ok. Donc voilà, quoi. Mais écoute, ça fait 8 ans que je suis plus d'un an, 12 ans que je suis dans la région. Je suis marié, j'ai un enfant. Faut partir dans le sud pour travailler dans le froid. Hein. C'est vrai, c'est ce que je me disais tout à l'heure. tout à fait. Donc, bah alors, Guillaume, tu nous as abandonné? Non, je suis dans le coin, je suis pas très très loin. Bon, allez, vas-y, tu peux retourner. Non, j'ai fait un petit caca. On va passer on dit toujours petit pipi, gros caca. Voilà. Merci encore à l'auditeur de Marseille, là, c'est très sympa. Donc, c'est plaisir, et puis voilà, bonne continuation. On te remercie. Si jamais il y a d'autres personnes qui nous écoutent et qui sont un petit peu loin d'ici, genre Nice, genre dans le sud de la France, l'Est, l'Ouest, mais autre qu'au Waterloo puis la métropole illoise, ça nous ferait plaisir de les entendre d'ailleurs sur Galaxy, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, 03 20 83 57 deux fois, on peut le dire. De Marseille, on peut aussi nous laisser des messages dans la boîte, donc c'est 0870 245 603. Voilà, exactement, et ça continue à appeler, tant mieux. On passe tout de suite un petit bêtisier que Olivier Curtis nous a précieusement offert, avec c'est les poissons, c'est ça Olivier? Yes. C'était la journée mondiale du poisson rouge, c'était il y a une quinzaine d'années sur Galaxy, et puis on avait appelé plein de monde. Bah d'ailleurs, on va vous en offrir un petit échantillon tout de suite. Allez, c'est parti. Oui, la coiffure Brigitte. Oui. Bon, je vous explique la situation. J'ai un poisson rouge chez moi et je voudrais le faire coiffer chez vous. C'est original. Mais je sais pas ce que je lui coifferais, hein. J'aurais de gros problèmes parce que j'ai pas de bigoudi pour les arêtes, hein. C'est pas des arêtes. Pour les écailles. Non, on l'a déjà fait il y a un an. On lui coiffe les barbillons. Je suis totalement incapable. Vous êtes incapable de coiffer? Oui, un poisson rouge, oui, tout à fait. Allô? Oui, vous êtes bien opticien? Oui, c'est bien cela, oui. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle René Cerfeuil. J'ai un gros problème chez moi. Je veux dire, mon fils a un poisson rouge, nous avons un poisson rouge dans la maison, il vient de crever l'œil du poisson rouge. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la première fois, voyez-vous, que je reçois un coup de téléphone semblable. Hein, voilà. Alors, je vous conseille, si vous voulez, moi je ne suis qu'opticien, oui. Donc je vends des lunettes. Oui. Il faut vous adresser à un ophtalmo ouvert. D'accord. Est-ce que vous vendez des lunettes pour poisson rouge aussi? Ah oui, aussi. Alors vous venez me voir. Hein. Oui, mais écoutez, vous êtes vraiment là. Vous venez avec votre poisson. Écoutez, monsieur, vous êtes là. Je vous remercie beaucoup. Voilà. J'arrive. Allô, oui. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes bien vétérinaire? C'est ça, oui. J'ai un gros problème avec mon poisson rouge actuellement. Oui. Ouais, écoutez, mon poisson rouge est devenu tout pâle. Est-ce que vous pouvez l'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je fais? Le mieux c'est de venir chez vous, mais là pour le moment, il est tout drôle, il tourne drôle, il perd l'équilibre. À mon avis, c'est très important. Ça lui est venu il y a une heure et demie environ. Oui. On regardait la télévision et puis subitement, je sais pas, il est devenu tout pâle. Donc. Alors là, pour ça, il y a des cliniques d'urgence qui sont ouvertes. Oui. Hein? Oui. Et pour un poisson? Oh, il est bizarre, vous savez. Oh, il est bizarre, il se sent mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, mais honnêtement, pour les premiers soins, qu'est-ce que je pourrais faire, là, maintenant? Oh. C'est du bouche à bouche, éventuellement. C'est répugnant, ce que vous venez de nous dire. Absolument, oui. C'est tout. Bah, on peut parler d'éléphant, parce que... Allô, oui? Oui, les pompes funèbres, le maître. Oui, monsieur. Je m'appelle Jean-François Roussel. Oui. J'ai un gros problème. J'aimerais bien un enterrement décent pour un poisson rouge. Comment puis-je faire? Vous pouvez rappeler plus tard. Non, je voudrais... Disons, est-ce que vous avez des petits cercueils, de petites dimensions pour les poissons rouges? Absolument pas, monsieur. Est-ce que vous pourriez en fabriquer un? Non. Écoutez, madame, écoutez, je vous explique. J'ai ma petite fille, Sylvia. Sylvia, qui pleure maintenant depuis une semaine parce que son poisson rouge est mort. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, oui ou non? Je vous le demande. Non, je pourrais pas, monsieur. Pourquoi vous ne pouvez pas? Est-ce que vous voulez aider les gens? Écoutez, madame, vous comprenez pas, je suis totalement dans l'embarras, désemparé, ma femme m'a quitté. Et ma petite fille Sylvia pleure depuis maintenant une semaine pour son poisson rouge. Alors faites quelque chose, je vous en supplie. Essayez de faire un enterrement digne pour mon petit poisson rouge. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux vous le demander? Je peux payer, madame. Écoutez, nous n'enterrons que des personnes. Une exception, cette fois-ci. Vous passez au magasin, on pourra peut-être mieux en discuter. Hein? Et vous allez me le faire, le cercueil? On pourra en discuter, monsieur. Madame, s'il vous plaît, dites-moi oui tout de suite. Non, je pourrais pas vous dire. Oui. Madame, écoutez, je trouve ça dommage parce que nous, ici, dans la famille, nous sommes très tristes. Non, écoutez, je comprends pas vraiment parce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Enfin, monsieur... Je peux vous dire quand même, vous êtes très cruel. Vous êtes très cruel, non seulement envers les animaux, mais envers les hommes comme moi. Non, madame, mais faites quelque chose. Madame, vous êtes horrible. Je suis le petit poisson dans le bocal. Joyeux anniversaire. Sur Galaxy avec le Schoenberg, c'était sur la belle Superstition Records, grand classique sur la fréquence de Galaxy. Excellente soirée, nous avons eu il y a quelques minutes un Marseillais, et bien on va faire le tour de France en ce moment avec quelqu'un de Angers, alors je ne sais pas comment ils appellent ces gens-là. Emeric, bonsoir. Ça va? Salut, qu'est-ce que Salut. Tu fais de beau là-bas? Qu'est-ce que je fais de beau? Oui, bon, on t'écoute la radio, évidemment, sur le net. Et je déguste la bonne musique. Oui, bien sûr. Ça fait super longtemps qu'on attend ça sur des ondes radio. Enfin, nous, on n'a pas la chance d'avoir une radio comme ça. Vous n'avez pas de radio techno dans Internet. Oui. Aux alentours d'Angers, il n'y a pas de radio techno, il n'y en a pas. Ah non, mais... Eh bien, maintenant, il y en a une. Il suffit de se connecter, tout simplement, donc sur www.live.galaxyfm.com. C'est ça, j'ai dû mettre un point en trop, je sais pas, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est bon, Hubert, c'est nickel. D'autant plus que j'ai la carte sous les yeux. Le flyer. J'ai voulu faire de tête, mais ça ne marche pas, malheureusement. Mais sans les lunettes, ça marche pas non plus, Hubert. Bah, j'ai les lunettes, c'est ça le pire. Elles sont là, les lunettes. Les auditeurs, elles voient pas, mais. Sur le nez, ouais. Moi, je sais que je les ai. J'ai une petite info, en fait, il n'y a pas de W devant live.galaxyfm.com. C'est uniquement live.galaxyfm.com et sans mettre les W, même l'HTTP. Donc, c'était juste pour info. Hein. C'est Capzi qui me l'a dit. Voilà, donc on va redonner quand même la parole à Emeric qui nous appelle, je vous le rappelle, d'Angers, qui écoute maintenant donc Galaxy sur le net. Mais en dehors d'écouter la radio, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Moi, je suis traducteur, interprète et je travaille sur d'autres projets avec un designer de lunettes, en fait. Un designer de lunettes. Ben, ça m'intéresse, ouais. Justement, on parlait de lunettes tout à l'heure. Ça tombe bien. Ouais, et alors, c'est trois paires pour le prix d'une ou ça marche comment? Ah non, non, c'est pas du tout. Bien au contraire. Nous, on est plutôt, plutôt lunettes à terme, en fait. J'ai pas entendu parce qu'il y a des gens qui font les idiots dans le studio. Ah voilà, c'est ça, non, mais c'est la fête, tout donc le monde nous, est chaud. On fait plutôt des lunettes haut de gamme. Ah. Mais oui, parce que c'est vrai que lui ne fait pas des lunettes haut de gamme, sans vouloir le citer, parce qu'on n'a pas le droit évidemment. Est-ce que tu fais des lunettes pour poisson rouge? Et quand est-ce que vous allez inventer les essuie-glaces sur les lunettes? Parce que franchement, ça me rendrait service, parce que quand il pleut, c'est la merde, hein, faut le dire. Quand tu manges de la soupe, il y a le buée. De quoi? Quand tu manges de la soupe, il y a de la buée. Pas seulement quand je mange de la soupe. Hein. Bon bah c'est cool, et bah écoute Aymeric, merci à toi de nous avoir appelé. S'il y a des gens qui nous écoutent sur Angers, justement, vous pouvez bien sûr nous appeler. Je vous redonne le numéro de téléphone de la radio, c'est le 03 20 83 57 57. 03 20 83 57 57. Maintenant je repasse la parole à nos amis donc Olivier et Jérémy qui ne foutent absolument rien ce soir. En fait, c'est moi qui me tape le boulot. Si vous voulez écouter la radio dans ce cas-là, allez l'écouter chez vous. Avec lui. Comment? Ah, quelle voix sensuelle là. Qu'est-ce qu'il chante là? C'est toi? Moby. C'est le barbu là-bas. C'est chaud. On va peut-être faire un petit jeu, hein, histoire de récompenser nos fidèles auditeurs. Appelez en ce moment. Tous sur le portable de Guillaume, qui est le 06. C'est faux, j'ai fait de portable. Je voulais dire aussi qu'on voudrait avoir un peu de filles à l'antenne, parce que bon, ça manque un petit peu ce soir. Hubert est chaud comme la braise. Non, pas du tout. Non, chaud comme la braise quand même. Ah, tes conneries, il y a peut-être ma femme qui écoute. Bah non, voyons, allez. Bon, un petit jeu, histoire de vous récompenser. On va dire 0320 83 57 deux fois, comme d'habitude. Et vous arrivez 25e au standard de Galaxy, bien sûr. 25e, ça sonne ça sonne déjà. Ouais, c'est pas bien. Pour une compilation que je vais aller chercher dans mon sac. Et il y a Aymeric d'Angers qui nous a lâché. La compile d'Yvette Horner. Le best-of de Boris. Juste pour dire que c'est pas sur mon portable qu'il faut appeler, parce que c'est pas là que je vais décrocher. Mais c'est pour la compile Mega Tuning 12. Mega Tuning 12. Attention, ça va péter. Ouais, ça va péter à l'arrière de la bagnole. Hein. Si ce n'est un instant avec Moby, c'était Go et c'est en plus disponible sur le Serious Beat, le numéro 25. Hein, vous pouvez bien sûr trouver non seulement en vinyle mais aussi en CD, histoire de vous rappeler un petit peu des souvenirs. Et quelqu'un est en train de faire dégueuler le disque. On a des pannes de platine maintenant. Bah, c'est tout simplement Jérôme B. Voilà, donc pour sa peine, on ne voulait pas lâcher Jérôme la photo B pour en ta fait. Lâcher l'affaire tout à l'heure. Ouais. Mais on a une photo de Jérôme B tout nu. Moby est parti en mobile. Et on va la diffuser sur le et net. On va la diffuser sur le net. Sur le sinon, Jérôme, hein. Jérôme, on peut te retrouver où? Non, bah, j'essaie de faire la promo de la soirée où on va mixer ensemble. Il est puni là, on le met au standard. J'essaie pour de l'instant. Le caser discrètement, Jérôme, si tu peux m'aider. Y a pas un petit fond musical, serait bien. T'as raison, un petit fond musical. Yes. Il y a pas de souci, on va déjà baisser le retour. Mais avant, juste un petit canular, hein, histoire de se remémorer pas mal de choses avec notre ami Gauthier qui avait fait bien sûr pas mal ses armes à l'époque de Galaxy. Allô. Allô, bonjour allô. Madame. Allô madame. Allô. Allô. Allô madame Anne-Marie. Oui. Oui Anne-Marie. C'est Anne-Marie. Oui bonjour Anne-Marie Dutoit. Madame Dutoit. Madame Dutoit Anne-Marie. Comment? Madame Dutoit Anne-Marie. Oui, d'accord. C'est ça, oui. Je m'appelle Pierre-Yves Perche. Je ne comprends pas. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Pierre-Yves Perche. Comment? Oh là là. Je m'appelle... Pierre? Pierre-Yves Perche. Je ne vois pas bien. Oui, non, mais vous ne me connaissez pas. Je suis le bras droit de Jean-Pierre Foucault. Comment? Oh là là. Alors, je ne comprends pas bien. Je suis un peu sourde. Hein. Oui, vous l'avez dit, oui. Je suis... C'est pourquoi, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je suis le bras droit de Jean-Pierre Foucault. Vous connaissez Jean-Pierre Foucault? Le bras droit de... Jean-Pierre. Jean-Pierre. Foucault. Vous connaissez Jean-Pierre Foucault? Sacrée soirée sur FR3. Alors écoutez, je ne vous comprends pas très bien. Vous... Excuse, mais... Sacrée soirée, vous connaissez? Hein? L'émission à la télévision. Jean-Pierre. La télévision. Et vous habitez où, s'il vous plaît? À Paris. À Paris? Oui. Jean-Pierre qui habite à Paris. Sacrée soirée. Parodie vous souhaite une sacrée soirée. Parodie bien sûr, hein, vous souvenez, c'était tous ces canulars tout au long de cette semaine. Il y en aura pas mal d'ailleurs, notamment entre 20h et 21h avec toute l'équipe de Galaxy, Jérémy, il y a Sylvie Curtis, Kaona qui est là, hein, qui nous a rejoint, qui fait normalement son émission. Et qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans un set exclusif vers 2h du matin. Ah mais oui, ouais. C'est ce soir mon coco. Ah mais tout le monde croyait que c'était demain. Ouais mais ça c'est toi, hein, c'est dans ta planète. Au standard, au 03 80 83 57 57. Ouais, ça. Regarde. C'est la même planète que Lily parce que... Ah non, on fait aussi un petit clin d'œil à tous les DJ hein, qui ont participé à l'événement cette semaine et que ça continue bien sûr, notamment ceux qui passeront en soirée, c'est-à-dire à partir de minuit. Tout à l'heure vous aurez un mix de Francesco, Kaona, donc de tout à l'heure à partir de 1h du matin, DJ Dust, Seb M et d'autres disques jockeys. Ça ce sera tout au long de cette semaine. On remercie aussi ceux qui ont donné 5€, hein. Hein, ouais. c'est la petite touche. Et puis on remercie aussi ceux qui n'ont pas donné. Un gros fuck pour eux. Voilà. Sinon. J'ai pas osé, mais franchement. Ah non, mais écoute, il faut le dire. Quand il faut le dire, il faut le dire. On a cité des marques à l'antenne, je te le dis. On a cité personne pour l'instant. Non, fuck, c'est pas. Fuck, c'est une marque aujourd'hui. Eh ben, fuck quand même. Tu vois, tu l'aurais pas dit, personne l'aurait su. Mais là, tu fais de la pub en fait. Bon, alors, on va peut-être parler aussi de différentes choses. Donc, rappelez bien sûr l'événement que Galaxy sur le net maintenant. L'adresse est la suivante, live.galaxyfm.com. Vous cliquez dessus, tout est expliqué. Capzi a fait pas mal d'heures justement pour que ce soit assez simple pour vous. Donc si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas bien sûr à nous contacter par téléphone 03 20 83 57 57, encore par email info@galaxyfm.com. On peut peut-être aussi rappeler bien sûr le programme de cette semaine, n'est-ce pas Hubert? Oui. Alors il suffit de prendre le fly en fait de le programme de cette semaine. Bah, voilà. Nous donner, tiens. Eh bien, écoute, j'ai travaillé moi. Non, mais ce qu'on mais oui, tout à fait. Tu permets que je pose ton bras sur toi? Vas-y, je t'en prie. Merci. C'est bon, chaud, un petit coup de casque là. C'est que le bras. C'est que le bras, bah ouais. Mauvaise langue. Donc, demain, nous avons Vince pour De la Trance, l'émission La Roca. Mercredi soir, toujours l'émission Remember Fast avec RVU qui sert en pleine forme. Hein? Oui. Yes. Il y aura aussi At The Villa, l'émission avec DJ Chess, Fifi, Johan. C'est jeudi. Ah, ça, c'est pour mon jeudi grand copain soir. Chess sera là bientôt sur Galaxy. Il va ramener des t-shirts et tout pour tout le monde. Il a intérêt, sinon on ne le laisse pas rentrer. Bien sûr, exactement. HS sera de retour sur Galaxy le vendredi soir, entre 23 et 1h du matin, avec tous des mix inédits, notamment un mix de Georges. Il y aura aussi un mix du Boccaccio 1991, un mix de Frank Biazzi, un mix de DJCP. Ça, c'est pour la nuit de vendredi à samedi soir avec pas mal de choses. Le matin, ce sera de la rétro, bien sûr, avec Jérémy, Jérôme B, Nicolas, Olivier Curtis. Oh, qu'est-ce que tu nous prépares, Olivier? Il va nous faire le up and down. Samedi, et ça va être quoi alors? 14h17h samedi. Alors, tu reprends carrément un classement de l'époque ou tu fais un nouveau classement? On a fait une petite synthèse des trois années de Power Dance, Up and Down, et ça donne des résultats plutôt assez intéressants. Exceptionnels. Up and Dance. Voilà. Excellent. En tout cas, on sera tous ensemble pour fêter ce nouveau classement à partir de 17h. Ce sera que du mix jusqu'à 21h avec un mix de Manu, une nouvelle fois, Johan de La Jozo, un mix du Boccaccio Mix et un mix de Frank Biazzi inédit entre 20h et 21h. Ça, c'est pour clôturer cette longue journée qui ne fera que commencer car à partir de 21h, vous attend très nombreux jusqu'à 2h du matin pour du direct live avec des bêtisiers, bien sûr, des jeux et puis pas mal de surprises. Le meilleur du bêtisier hein, que Olivier Curtis nous a concocté dans ses archives. Et puis dans la nuit, forcément, il y aura encore d'autres surprises. On ne va pas non plus tout dévoiler. Mais vous pouvez aller sur le site du MySpace car je crois que Kabzi a déjà mis la playlist de toute cette semaine. Ouais, l'adresse est la suivante, c'est myspace.com. Là aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 W devant. myspace.com/galaxyfm où vous verrez un peu les photos. Et Hubert a un super MySpace. Hein. Ouais, tu parles, j'attends que tu me l'arranges justement. Je suis incapable de faire quoi que ce soit là-dessus. Mais si, tu verras, c'est très très simple. La suite, c'est la avec suite. Pas mal de choses, donc justement. Ouais. Mais quoi? Moi, je voulais avant tout rappeler. Répondeur. Un petit répondeur. On fait le répondeur d'abord? On va le faire, histoire que je le cale et puis c'est bon. N'hésitez pas à laisser vos messages au 0870 245 603. Et ouais, si c'est encore possible. Et puis concernant le site internet, c'est vrai qu'on vous parle tout à l'heure depuis tout à l'heure du live.galaxyfm.com, mais il y a également un chat, un forum. Un chat, ça c'est clair. Il y a l'abscisse là. Donc forum, chat, il y aura plein de photos. Comme je disais, le site il va monter en puissance tout au long de la semaine avec différentes rubriques. Il y aura des photos aussi, toutes les photos qu'on prend là depuis tout à l'heure, les petites vidéos, tout ça, ce sera en ligne. On le fait pour ça justement. Voilà, et vous pourrez suivre tous les jours, dès le lendemain, les nouvelles photos, les petites vidéos, et cliquer directement sur le site. Donc www.galaxyfm.com, le nouveau site web de Galax. Qui a déjà explosé ce soir. Ouais, ce soir ça a explosé, c'est clair. Olivier, tu peux nous rappeler le petit concours qu'on voulait faire cette semaine, donc concernant des auditeurs qui fêteraient éventuellement leur anniversaire et leurs 25 ans cette semaine. On vous rappelle que si vous fêtez votre anniversaire cette semaine et que tout comme Galaxy vous avez 25 ans, dans ce cas-là vous nous appelez. Il y a un super cadeau qui vous attend. Et Olivier Semard, apparemment, il n'était pas du tout au courant. Si, en fait c'est ce que j'allais expliquer, mais tu me demandes d'expliquer et puis t'as tout dit. Quand j'ai vu ton regard, je me suis dit il a l'air perdu, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Non, vas-y, tu peux le refaire, c'est pas perdu. Non, c'est bon, vas-y. Donc, en résumé, si vous êtes né entre le 4 et le 9 décembre 1981, voilà, si vous fêtez. Et on vérifiera si vous ne racontez pas de conneries, parce qu'au moment où vous viendrez retirer votre cadeau, eh bien, moi j'en connais un qui va demander votre pièce d'identité. Exact. Allez, c'est parti, un petit répondeur. Un petit répondeur, vas-y. C'est parti. Ouais, je voulais dire que je kiffe trop la race à mort, comment ça défonce, qu'il y a du pur son, mais alors grave, Galax, mais bon, enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire que c'est trois syllabes, trois trucs qui m'ont fait flipper, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Alors moi, je dis bravo pour tout, bravo pour la musique, bravo pour les animateurs, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Willy ne pourrait-il pas s'acheter des nouveaux jingles? Parce que ça fait des années qu'il est traîné, ils sont pleins de poussière quand on les entend, ces jingles-là. Salut à toutes et tous, c'est Jérémy Santissen sur le répondeur de Galax. Un petit clin d'œil à tous les vieux de la vieille qui ont connu comme moi le 55, le Cherry Moon, la Goa avec HS et Biazzi, At The Villa, le Church, l'Extrême, le Balmoral, la Bûche avec Georges, la Roca avec Marco, les After à l'Axiom, bref, le bon son made in Belgique et les soirées à n'en plus finir. Souvenir, longue vie à la radio et bon anniversaire Galaxy. Ciao. ciao. Salut à toutes et à tous. Ici, c'est un animateur des années 80, je dirais 84, 85, hein, sur Galaxy, quand il y avait encore celui qui disait « Salut, c'est WDJ ». C'est super sympa, c'était Bertrand de Véter qui souhaite un bon anniversaire. 25 ans de passion, 25 ans de rythme. Ok, Galaxy 95.3. C'est le bordel ici. Jérémy, chaud comme la braise. Alors, Esperanza, un instant avec Sven Vatt. On va prendre tout de suite Olivier sur antenne, qui est carrément le super auditeur de la mort. Super sympa, le mec. Allô, Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et à tous. Salut, Olivier. Tu nous appelles de quelle ville ? Olivier. Bah, écoute, moi, je suis de Lille. Ah, ben non, on prend pas les auditeurs de Lille aujourd'hui. Salut, on prend Marseille, on prend Angers, Toulouse, éventuellement. Non, je plaisante. Hein. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Donc, toi, tu nous écoutes sur le net ou sur la fréquence 95-30 ? Ah, bah, écoute, c'est vrai que quand je suis dans mon bureau, c'est sur le net. Et puis quand je suis finalement devant ma télévision, c'est sur la radio. Et qu'est-ce que tu fais de beau sinon, en dehors d'écouter la radio, et notamment Galaxy ? Bah, écoute, je suis commercial dans la vie active. Ouais. Bah, écoute, je travaille dans la bière. Dans une marque qui commence par un K. Olivier, tu as un problème, tu veux qu'on en parle. C'est une grande marque qu'on connaît qu'il ne faut pas citer à l'antenne parce que c'est interdit. Ça commence par un K, c'est ça ? Voilà, effectivement, comme on dit, j'ai deux amours. Et ben, tu veux que je te dise quelque chose qui va te faire plaisir ? Il y a ma mère et en bout. Je suis en train d'en boire une. Ah, bah écoute. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Et il y a le stock qui diminue. Donc bah, moi, j'en ai bu une, mais les gens qui sont autour de moi, ils ont vidé le pack. Hein. Non, je plaisante, on n'est pas. On n'est pas comme ça ici. Et donc, ouais, tu nous écoutes de Lille, et donc, bah, tu sais qu'on est sur Internet depuis un petit moment, ou tu l'as découvert ce soir, quand on l'a annoncé sur antenne, là? Ouais. Découvert ce soir avec beaucoup de plaisir. On avait fait les tests un petit peu avant, bon, il y a des gens qui l'ont su, parce que, bah, ça se sépare. Ouais. Il y a des fuites dans la radio, il y a des fuites. Il y avait déjà pas mal de gens qui nous écoutaient, mais là ce soir vous avez explosé le compteur, on va dire. Donc ça y est, c'est du permanent alors. Ça y est, c'est du permanent. C'est du permanent. C'est du sûr. Bon bah écoute, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que depuis cet après-midi, depuis le retour de toutes les bonnes musiques des années 80. Ouais, exactement. Ouais. Là maintenant tu pourras emporter Galaxy avec toi en vacances, partout tu iras, tu prendras Galaxy avec toi. Ah mais ça c'est sans aucun doute, ça voilà. Beaucoup de plaisir en tout cas. Et ben nous aussi ça nous fait plaisir de t'avoir écouté, on te souhaite une très bonne soirée. Je sais pas, à très bientôt. Merci Olivier. Au revoir et bonne écoute. Ouais, ciao Olivier, salut. Ouais, salut, au revoir. Ciao. Si tu as des soucis, n'hésite pas à appeler. Alors Olivier, téléphone. Voilà, ouais, non, on voulait passer un message également à notre commercial que si Willy nous écoute, c'est pas qu'on prenne un petit jeton ce soir. Merci Willy pour la K. Hein, je peux pas donner la marque à l'antenne. Et pour le bon cigare que tu m'as laissé. Merci Bibi. Ce sera la surprise demain matin. Tu regarderas ce qui restera. Ouais, bah Olivier l'a tout bu. Hein. Et puis, t'as raison. Encore quelques auditeurs à l'antenne 03 20 83 57 57. Vous n'hésitez pas, vous nous bombardez. Et puis, on va parler aussi de la boîte. Vous pouvez donner le numéro s'il vous plaît. Donc, 0870 245 603. Voilà, vous délirez, vous lâchez vos messages jour et nuit, il n'y a pas de souci. On écoute les messages, exact. On fait une compile des meilleurs maman, messages. Maman, arrête tout de suite. Et on les rebalance à l'antenne de donner. Arrête tout de suite maman, ce n'est pas mon portable. Sortez-le-moi celui-là, dehors. C'est le photographe de service. Il mettra tout sur MySpace, il mettra très très bientôt de toute façon. Allez, la suite, toujours en souvenir avec quelque chose d'assez loin. Hein. C'était en 1992, Degeneration, Una Senza Ritmo. C'est bien sûr sur Galaxy. Joyeux anniversaire à tous. Voici avec l'instant Degeneration, Una Senza Ritmo. C'était ressorti en licence, hein, je ne sais plus sur trop quel label, en tout cas avec une belle pochette orange. Licence 4. Licence 4, ça te rappelle quelque chose toi Hubert, toi qui es un vieux de la vieille quand même. La licence 4 pour moi c'est une licence que tu dois obtenir pour l'ouverture d'un café. Mais il y a un groupe qui s'appelle aussi Licence 4. Incroyable. On fait peut-être un rappel sur ce qui va se passer dans la soirée, notamment avec un mix de Francesco d'ici deux petites Jérôme minutes. Qui vous dit au revoir. Ouais, au revoir Jérôme Bootleg. Ouais, à la prochaine. Voilà, il y aura aussi donc dans la foulée. Donc après Francesco, c'est-à-dire 1h du matin, un mix de Kauna, suivi d'un mix de Digidust, superbement bien mixé d'ailleurs, avec une très très bonne sélection. Et puis après, il y aura pour terminer Seb M pour un mix house, toujours rétro. Ça, ce sera jusqu'à demain matin, avant l'arrivée bien sûr de Willy. Donc ça tournera en boucle deux fois. Donc il n'y a aucun problème. Beaucoup non, de mix. Oui. De qui tu parlais là? De quoi? Le mix là. Superbement mixé, machin. Ah, ça c'est Digidash, ah, c'est pas toi. Non, parce que toi, quand je te demande un mix d'une heure, c'est 43 minutes. Ah, ouais, mais donc, mais c'est pas grave. Faut quand même signaler qu'il n'y a pas de lecteur CD. Non, mais si, regarde, je peux remettre au début, hop, tu vois. Ouais, là, il y a un lecteur CD. Du bon côté, du côté studio DJ, il n'y a vraiment pas de lecteur CD. Mais on fait exprès, c'est pour que les DJ soient encore plus performants quand ils vont ailleurs. Voilà. Mais il faut ramener vos lecteurs, les gars. Mais le mix, c'est sur vinyle, c'est clair. Le mix, c'est sur vinyle. Ouais, complètement. Ouais. On reste les grands classiques. Bon, on va bientôt se quitter. On fait un dernier tour d'horizon, peut-être des événements marquants pour les prochaines soirées. Kauna, tu veux bien m'aider? Bien sûr. Demain, on a rendez-vous avec Vince pour une ambiance La Roca, rétro trance. Yes. Le lendemain, jeudi. Mercredi, on a rendez-vous avec Remember of Past et RVU, son émission qui dure depuis des années, ouais. des années. Depuis presque 25 ans, RVU, il est à l'antenne. Le jeudi, on enchaîne avec At The Villa, DJHS, Fifi et Johan. Et vendredi, vous passerez la soirée avec Hervé Serge, alias DJHS, pour toute une nuit. He's back. Et puis la matinée du samedi, il y aura un enchaînement de mix, des mix spéciaux qui ont été concoctés par les DJ de la radio. Ce sera du 100% rétro. On commence après en début d'après-midi le samedi, 14h-17h, avec la Up and Dance. Up and Dance. Olivier Curtis. Ça va être de la folie parce qu'il va nous faire un petit top 40, top 20, top 40, top 50. Top 50 des titres Mars dance. Et tu vas reprendre l'indicatif de Marco Esca. Place numéro 6. Hein, Happy Children. Corinne Charlie est de retour. Et puis après, tout au long de l'après-midi du samedi, il y aura plein de mix. On se retrouvera pour une soirée spéciale, la soirée de clôture, le samedi, à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, avec là cette fois-ci la bombe d'animateurs. Il y aura des anciens, Laurent Dereux, Curtis à côté de moi, Hubert, Guillaume, Eric Carlier. Qu'est-ce qu'il y en aura encore? Philippe Donte, Gauthier, oui, téléphone, Gauthier, Laurent, on l'aura en téléphonique. Et puis il y aura du mix, de la rétro, des cadeaux, la bombe de cadeaux aussi tout au long de la journée. Donc bref, encore plein de surprises. C'était juste la première, le starter ce soir. On vous promet encore mieux pour les prochains jours et jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à samedi. C'est bon, on a réglé les micros et les casques, demain ça va être parfait.